Alors, ça dit quoi la team? Du tout là. On est comme d'habitude. Change rien. Toujours au quartier. En lambeau ou en spell. C'est qu'on s'en bat les couilles. Hein? On va parler des gens un peu. Hein, tu leur fais confiance. Te tournes le dos. Comment tu peux pas regretter? Hein? François. Je vais vous dire un truc. Pour pas être déçu des gens, faut pas les calculer. Faut dire ce qu'ils veulent. Les médias, tout ça. On s'en bat les couilles. De toute façon, nous, le chemin il est droit. Soit on le prend, soit on marche tordu. Au quartier, c'est pas la joie. Les petits enfants cherchent des gros coups, faire des gros sous. Je vois les grands sous, trop de salopes dans les alentours. Je les croise des fois quand je fais des tours. Regarde personne, tu connais. Trésor check, mec. Jules, tu l'as entendu partout et tu l'entendras. J'ai trop tant fait pour. Ça s'arrête maintenant. Je vous mens pas. Trop les crocs. Les gens ils croient que je suis là. Ils croient que je suis là, ça fait 3 ans, 4 ans. Mais l'équipe, n'oubliez pas. Depuis 12 ans, je rappe. L'âge de 12 ans. Il est resté 10 ans dans l'ombre. 10 ans. On a eu les crocs, la patience, tu connais. C'est ça, faut travailler, man. Tu crois que ça va tomber du ciel? Je te fous. Inspire-toi un peu. Tu vas comprendre. Le travail, c'est la récompense. Tu verras. Tu m'en diras. Les nouvelles. C'est pas carré, frérot, obligé de mettre la tête au carré. Je prends la moto, je la mets en Y, sur voir et carré comme un taré. Le poteau me renfonce, dis donc combien t'arrives. Je sens la plaquette, c'est de la moulage, oui, dis combien t'arrives. Ouais, les jaloux t'envient car ils n'ont aucun rêve. Laisse-les chanter, prends les salopes devant le taux carré. Si tu prends même des sous, tu prends même des fous. Si la parole suffit pas et tes dialogues de son, ma bande elle est dans l'ombre, elle fait pas trop de bruit, elle allait dans l'ombre. On veut juste nager dans l'eau, on s'en fout de nager dans l'ombre. Vas-y fais la queue, personne manipule, je crois en Dieu. Ils diront que je suis nul mais feront jamais mieux. Il paraît que tu fais le pilote, mais franchement je t'en prends à cabrer. Il paraît que t'as trahi le gang, cette nouvelle m'a accablé. Il m'a fait la vie, c'est ma salie, mais pourquoi tu me l'as dit qu'après? Tu te plains tous les jours, franchement tu penses à cet handicapé. J'ai le feu que t'as pas, j'ai les mots qui touchent. Dans un monde à part, je vis des trucs louches. Ça devient chaud les mecs, des albums du genre au check. Je fais des tours en général, tu veux la maison de Brad Pitt, faut deux pits et des caméras. Des problèmes sont tous chez moi, trop pis trop d'encombrats. Tire, mais si tu me rates, je respecte plus tes camarades. T'as oublié quand c'était dit, tout ce qu'on a fait, tout ce chemin. Tire pour toi, déjà, j'allais pas faire. T'as oublié que je partageais tout avec toi et que toi, même pas tu m'as fait monter chez toi. T'as oublié que sans compter, je dépochais des billets. Maintenant, je me suis fait tout seul, tu fais que crier. T'as oublié les mauvaises passes, on les passait ensemble. On a fumé, on a bu, on a grandi ensemble. Mais bon, t'as oublié, c'est pas grave, ça changera pas nos vies. Je respire la fumée nocive et je m'évade sur la mélodie. Mélodiquement, du c'est magique, non? Et logiquement, me fie à ce que me dit, moi. Tu veux leur la Rolex alors que tu gères, tu prends la relève. Mais tu fais le camp le week-end, tu claques tout à la roulette. Et moi, je roule, je râle, quand t'es de mes potes, joue un rôle réel. C'est pas la femme qui me rend heureux, t'es ta trumeur, viens à moi. Tu genre, fais gaffe, c'est pas ton ami. Des problèmes, je les affronte, même si sont plus grands que tsunami. Ce qui m'intéresse, c'est pas son cul, c'est pas sa tête, c'est son amour. T'aimes quand t'es fait des guillis, qu'elle traîne la tête comme un nounours. Lunettes sur vêtements, la cause, les baleines reviennent à la mode. Vas-y, suce-le tout ça, parce qu'il y a marqué Hotman sur la montre. Ça me dégoûte, je me taille, t'inquiète, mais faut que t'écoutes la salle des gosses. Et ça, depuis que je débute, petite chute, voilà, je débute. Y'a des potes que l'avenir va tenir malgré les bêtes, malgré les mauvais coms et les gens qui le rabaissent. Je me suis du Billie Jean, un des trônards comme Laura Lou sur la carrière d'Inedine. Chez nous, y'a des boxeurs, des travailleurs et des brassières. Chez nous, on va dire ce qu'on pense, si ça nous tient à cœur. Chez nous, ça tombe en bas du bloc, où ça se fait le commerce du coin. Ne traite pas le petit de petit quand tu pourrais te prendre le coin. Ça vide les lits, ça vide les tiroirs pour s'acheter le bain. Chez nous, y'a pas de terrasse, y'a pas de balcon, y'a que la douche, y'a pas le bain. Tout le monde a sa bande, c'est chacun sa mère. Mais si tu touches à l'un de nous, on réunit nos bandes pour te monter en l'air. C'est la vie, J'ai des nerfs à vif, le son ma thérapie. Tu t'inspires de moi depuis tout le temps, depuis quand j'ai rappé. Marseille la débrouille, la carte à la ruse. T'as pas saturé, sur le jarret les russes. La mer vélodrome, quartier sud et nord. Centre-ville la rue, charbon coq et shit. Croque qui se réveille, la France qui fait peur. La maman qui pleure, c'est qui tes cœurs. Quel sacré décor, rien que ça vide les cœurs. Ça ramasse les corps.